message, mesdames et messieurs, une promotion. Allez, Charlie Oleg. Charlie Oleg, c'est toi, Zine, qui fais de l'ordre. En plus, du coup, il n'y a plus que nous qui jouons sur Nimbot, il n'y a plus personne. Ah, c'est moi. Je me suis connecté. Ah oui, ça marche, ça fait voir.